Si je serais pas intelligent, ce serait pas des débats, hein, Brouty. Les débats de Gérard. Bonsoir à tous, bonsoir Manu, bonsoir Fildar et bonsoir Hugo. Salut. Salut. Bonsoir au chef qui va aller me préparer pour demain sa soirée. Donc on va pour ça, on accueille pour le premier débat sur le parc d'attractions Monsieur Mazur. Bonsoir à vous. Allô. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur, Monsieur Gérard. Bonsoir. Petit, bien 32 ans de Paris, oui, ça va très bien, je te remercie beaucoup. Petit Mickey, bon, ça y est, on commence pas la saison comme ça, d'accord. Petit Mickey, 25 ans, Toulouse, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir Toulouse. Et Petit Nougat, 21 ans de Caen, bonsoir à toi. On écoute Fun Radio sur 96.3 et 104.3 pour Toulouse. Hein. J'avais oublié de préciser. Et Paris, c'est 101.9. Et pour finir, Barba Papa, 27 ans de Meudon, donc région parisienne. On écoute Fun Radio sur 101.9. Bonsoir à toi, Barba Papa. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bon, Monsieur Mazur, on se calme, parce que sinon, on gerbe. Je vais pas commencer les premiers débats de la saison comme ça. Ok. Oui, alors, on se calme, d'accord. Alors, quels sont pour vous les parcs d'attractions ouverts toute l'année plus fêtes foraines? On va demander ça à Monsieur Mazur comme ça pour commencer. Bien, écoutez, pour moi, mon préféré, je vous dirais que c'est le parc Nigloland qui se trouve à côté de Troyes, n'est-ce pas? Ouais, je sais, on en a discuté assez longtemps. Le symbole est un énorme putois, d'ailleurs. Oui, mais quels sont les parcs, quels sont pour vous les parcs d'attractions ouverts toute l'année, plus fêtes foraines? C'est bien la question. Uniquement et un peu la foire du trône à Cabourg. D'accord, ben, faudrait peut-être qu'on se renseigne pour savoir si c'est vraiment réel. Petit Mickey pour toi. Ouais, ben écoute, moi je suis un habituel de la fête à Neuneu quand même. Mm-hmm. C'est quand même une des grosses fêtes du moment, donc je conseille la fête à Neuneu ou la fête des loges, mais bon, elle est fermée les jours fériés, donc je sais pas trop si ça rentre dans le cadre de ta question. Si, parce que la fête des loges a terminé le 15 août et maintenant c'est au parc de Saint-Cloud qu'elle se trouve à l'heure actuelle. Ah, elle migre, la fête des loges? Ben, la fête des loges est terminée. Une fois que la fête des loges est terminée, maintenant ça va sur le parc de Saint-Cloud qui est au pont de Saint-Cloud. Ah bon, et ils ont prévu de bouger Euro Disney bientôt aussi ou pas? Non, je pense pas. Pour en faire profiter la province quand même. Non, je ne pense pas. Ah. Petit Nougat pour toi. Moi, écoute, c'est Disney. Et puis Mongoliland à Caen une fois par an. Je connais pas de parc d'attractions Mongoliland. Mongoliland, non mais c'est à Caen, tu vois, c'est un truc complètement petit, mais bon, qui anime un peu là-bas, quoi. D'accord. D'accord. Barba Papa. Ouais, moi je suis plus château de la Loire, mini château de la Loire. Non, les parcs d'attractions, c'est Touraine. Non mais Barba Papa. Oui. Barba truc. Petit Mickey, tu te calmes s'il te plaît, d'accord? Bon, Barba Papa, je pense que les parcs d'attractions, c'est pas les châteaux, hein. Ah mais si, c'est très important. Ah non, les châteaux, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas le thème du débat, d'accord? C'est le thème. Oui. C'est Petit Mickey, si je peux me permettre, c'est bien un château. Au Disney, quand même, il y a le château de la Belle au Bois Dormant, non? Ouais, mais ça, d'accord, mais ça fait partie des parcs d'attractions qui est ouvert toute l'année, durant le mois de. Bah toute l'année carrément, hein, le parc, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller avec la biquette au parc à Disneyland Paris et c'est très beau à voir. Donc quoi, le château de la Belle? T'as vu quoi là-bas? Au doigt qui sent? Non, il y avait pas mal de trucs qui étaient bien à voir. C'est-à-dire, raconte aux auditeurs, explique-leur pour ceux qui sont allés. Pour ceux qui n'y ont pas été, donc voilà. C'est vrai qu'il y a des trucs à voir qui est drôlement bien. Donc le château de la Belle au Bois Dormant, comme on en a fait allusion là à l'instant. Il y a quoi dans ce château? Bah, je sais pas, on ne l'a pas visité. Sinon, t'as la nouvelle attraction, là, le... Se passe passe montagne, ouais. Grave nouveau. Sinon, t'as toi comme parc d'attraction, t'as aussi le. T'as pu le faire ça, le passe montagne? Non, on n'a pas fait. Je crois qu'avec les boules, ça explose, ça va trop vite. Ouais. Non, c'est le train là qu'on a fait là, qui est assez, qu'il faut pas être la trop chenille. Grand. C'est la chenille. Ouais, qui le tape tout. Le tape tout. Non, pas le tape tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oh, il y en a pas mal. Et puis il y a aussi les fameux chars qui dépilent toute l'année. Non, les chars avec... Les chars Panzer. Non, pas les serpents d'assaut. N'importe quoi, toi. Bon, enfin bref, pas. Gérard, vite fait sur IRC, oui. Où on est très beaucoup. C'est-à-dire ? C'est-à-dire énormément, on doit être au moins 8500. Hein ? Ah, bravo déjà. Ouais, déjà, déjà pour commencer. C'est le premier débat, donc il y a toute la communauté internet qui te souhaite un bon débarras. Ouais. Et sinon, il y a ton pote Christian, il voudrait quand même que tu précises la différence entre un parc d'attractions et une fête foraine. Qui, lequel pote Christian ? Bah, je sais pas, hein, c'est toi qui sais. Moi, je connais pas de pote Christian, si c'est celui de la Selle Saint-Cloud, non. Tu crois que Selle Saint-Cloud, il a l'internet ? Je pense pas, mais bah je vois pas qui c'est d'autre en Christian, je vois pas. Et donc, pour répondre à sa question ? Quelle est la différence entre un parc... d'attractions et un parc d'attractions et une fête foraine, donc c'est pas du tout pareil, parce que les parcs... les fêtes foraines, c'est des manèges, et les parcs d'attractions, c'est des, en fin de compte, si... Des gros manèges. C'est des petits trucs que tu peux marcher. De toute manière, c'est vrai qu'il faut marcher beaucoup dans les parcs d'attractions pour pouvoir tout faire. C'est voilà, ça. J'espère qu'il aura pu être au courant de ça. Mais Gérard, j'avais une question, c'est de te demander, les fêtes foraines que tu retrouves à Paris, tu en as parlé tout à l'heure, la fête des loges, la fête de... La fête du cancan ? Non, la fête au parc de Saint-Cloud, ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas que non, ces fêtes foraines se déplacent en France ? Ben, de toute manière, dès qu'ils font la fête des loges, après ils vont à la au parc de Saint-Cloud. Oui. Et je sais pas, parce que petit Mickey, c'est toi qui avais parlé de la fête à Neneu. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu es au courant si... Non, c'est dans le bois de... C'est à la porte d'Auteuil. Boulogne. Non, bois de Rambouillet. Au bois de Rambouillet, et d'ailleurs, faut savoir que l'année prochaine, ça sera remplacé par la foire fouille, hein, quand même. T'as une putain de bois, toi. Ouais, c'est à la porte d'Auteuil. Merci, d'Auteuil, Manu, pardon. Tu commences pas le premier débat comme ça, s'il te plaît, d'accord ? J'ai rien fait, Gérard. Ouais, non, mais moi, je te le dis. Donc, petit Mickey, tu peux nous donner des renseignements si elle bouge après, cette fête ou pas ? Ouais, je te dis, elle bouge. Il y a une tournée internationale qui doit se terminer au Japon pour le 1er janvier de l'an 2000. Non, mais ça, on s'en fout. Il y a Céline Dion en première partie. Ouais, bah, c'est bon, alors... Petit Mickey, si c'est pour me dire des conneries comme ça, tout à l'heure tu vas dégager, ça va aller vite pour toi, d'accord ? C'est ce que j'ai eu au programme. Hein. Ouais, c'est ce que tu as eu au programme, mais ça m'étonnerait. Dans quelle fête foraine aimeriez-vous aller ? Alors on va demander à Petit Nougat, tiens. Bah écoute, ça dépend quel genre de fête foraine tu parles, parce que moi à Caen, à part Mongolieland, il n'y a rien. Hein. Ouais, mais Caen, il n'y en a pas du côté du Havre où on fleure ? Bah disons que je traîne pas trop là-bas, moi je suis sur Caen, et puis il n'y a que Mongolieland une fois par an. Il n'y a rien d'autre, donc je peux pas dire, je me suis pas déplacée dans la France, quoi, j'ai pas... Ah ouais, donc tu restes toujours sur Caen, donc tu peux pas aller voir... Bah pourtant, Caen-Rouen, ça fait combien de bornes à peu près ? Bah il y a une centaine de bornes, mais Rouen, il n'y a rien. Ah si, il y a une fête, il y a Luna Park, je crois, si je me trompe pas, qui passe... Tous les ans, il y a des Allemands qui viennent pour leur tournée de bière, mais à part ça, je connais Qui c'est qui a un portable ? Qui a un portable ? Qui a un portable ? Ne répondez pas tous à la fois. Bon, allez-y, alors répondez tous à la fois. Qui a un portable alors ? Il y a quelqu'un qui a un portable. Qui a un portable ? Qui a un portable ? Qui a un portable ? Bon, papa. Fildar, s'il te plaît, tu me gères celui qui a un portable et tu le vires. Hop. Tu lui dis au revoir et c'est terminé pour celui-là. Oui, je j'avais bien dit. Mais celui qui est portable. Je vais essayer de le gérer, de voir si c'est portable. Mais ça se trouve, c'est le standard. Terminé. On en a parlé, c'est peut-être le standard, c'est pas les auditeurs. Je vais voir. Barba Papa, toi, pour toi. Bah moi, j'adorais m'envoyer en l'air dans les montagnes russes aux États-Unis. Non, mais je te demande, dans quelle fête foraine aimeriez-vous aller ? Je te parle pas. C'est fini la guerre froide, hein, laisse tomber. Bon, petit Mickey, s'il te plaît, tu laisses répondre Barba Papa, s'il te plaît, merci. D'accord, aussi. T'as déjà répondu, alors pour l'instant tu attends. Ah non, j'ai pas répondu. Ah bah tu attends ton tour, c'est tout. Barba Papa. À la fête foraine des États-Unis. Bah, c'est quoi comme fête foraine là-bas ? Bah, c'est une super grande fête foraine aux États-Unis. Et, en fait, elle fait toute la côte. Elle part de Los Angeles, elle va jusqu'à San Francisco, passe par Miami. Ouais. Y a plein de montagnes russes qui font des boucles et des bouclettes. Enfin, c'est super top, quoi. Ouais, attends, c'est sur 50 km de long, hein, tu te rends pas compte. Ouais, d'accord. Gérard, à propos de montagnes russes, il y a Emeric sur IRC, il te demande ce que tu penses des montagnes russes aux États-Unis. Aucune, c'est pas le thème du débat, donc je peux pas lui répondre. C'est pour ça que Barba Papa, c'était pas le thème du débat non plus. T'as la question que je te posais. Mais j'ai tout faux moi ce soir. Hein. Bah oui, apparemment c'est pour pas la soirée, c'est pas grave. Non mais c'est bon parce que c'est la première. C'est la première, à mon avis, vous n'êtes pas encore bien revenu. Oui, il faut prendre l'habitude. Vous n'êtes pas revenu dans le bon bain. Petit Mickey. Bah écoute, moi j'ai en projet d'aller au parc Astérix. Parce que en fait j'ai trippé sur Laetitia Casta dans le film et je me suis dit que c'était peut-être le meilleur endroit pour essayer d'avoir un rencard, donc je pense que je vais aller faire un tour là-bas quoi bientôt. Ouais mais c'est vrai qu'on en a pas trop pas. Qui c'est qui a eu l'occasion d'y aller moi. T'as au parc extérieur aussi. Moi, Philippe. Ouais, Manu. Moi. Ouais mais qu'est-ce qu'il y a comme attraction là-bas? C'est à peu près comme Disneyland, non? Ouais, mais il y a moins de Mickey quoi. Ouais. Moi, il y a plus d'Astérix. Bah ouais, mais ça c'est normal. Et de Romain. C'est normal qu'il y ait plus de... Ben en fait, c'est... Qui c'est qui bouffe, là? Filou. C'est pas grave, on va gérer. Ouais, ça commence mal, là. Hein. Mais... Oui. Tu l'as vu, Laetitia Casta, au parc Astérix? Je veux dire, ça vaut le coup que j'y aille ou pas pour... Bah, je sais pas où elle est précisément, je sais pas dans quel manège elle se trouve. Mais elle y est, tu me garantis qu'elle y est, quoi. Je pense, oui. Okay, non, d'accord. Moi, apparemment, elle a jamais été au parc Astérix, parce que ça a pas été tourné au parc Astérix, hein, le film. Hein. Si. Bah, ils l'ont dit, hein. Parce qu'en fait, c'est la réplique, si c'est vrai, la réplique du village de Gaulois. Monsieur Mazur, pour finir, avant de passer au sondage. Oui, bah moi je répondrai, malheureusement, je ne suis pas très original, mais toujours Nigloland. Ouais, mais en effet, il y a quand même autre chose Monsieur Gérard, mais pour moi, si vous voulez qu'il y ait un couple de putois en mascotte d'un parc d'attractions, je trouve ça extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait une énorme montagne russe qu'ils n'ont pas intitulée russe, mais tchécoslovaque. Ouais, bah ça, on en a rien à foutre. Bah écoutez, c'est pas le thème du débat, d'accord? Moi, j'ai un ami qui habite là-bas dans une caravane qui m'a dit que c'était absolument exceptionnel. Bah, moi, pour l'instant, moi, je peux dire que vous allez arrêter entre Barba Papa et puis vous, Monsieur Mazur. Hein, vous allez arrêter avec vos histoires de montagnes russes. Je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur Gérard. Bon. Il faut arrêter. Ben ça commence à être lourd et c'est pas le thème du débat, d'accord? Absolument. Alors si j'entends encore si j'entends encore parler une fois d'une montagne russe, je vire la personne et ça sera terminé, d'accord? Monsieur Gérard, une question, peut-on parler des montagnes belges? Non plus, c'est pas le thème du débat. Les débats, c'est les parcs d'attractions et plein de forêts. On mélange pas les torchons et les serviettes. Absolument, Monsieur Gérard. Alors, quel est votre parc d'attractions préféré? Alors, il y a 56% des gens préfèrent le parc maître. Ouais, bah ça c'est pour mettre les sous, c'est bien. 30% préfèrent le parc à huîtres, c'est pour conserver les huîtres. 17% préfèrent les parcours, c'est quoi ça? Lesquels parcours? Les parcours de quoi? Bah, les parcours dans les parcs d'attraction. Bah ouais. Les ours. Bon. Et 9% n'y sont jamais allés. Mais ça serait bien, mais c'est dommage parce que c'est des trucs à voir. Mais c'est absolument aussi, des fois un problème d'argent, Gérard, parce que c'est pas gratuit les. Non, les justement, on va en parler, on va en faire allusion. Et c'est vrai que c'est pas donné, hein, les parcs. Surtout le Disneyland Paris, les tarifs sont quand même assez chers. Hein. Tiens, d'ailleurs, on reparle de Disneyland Paris. Justement, il y a quelqu'un sur Minitel qui me demande si t'as essayé la grosse turbine à chocolat là-bas. C'est une nouvelle attraction, il paraît que c'est bien. Toute nouvelle. Ouais, tu te fais fourrer, t'en ressors. Ouais, c'est ça. T'as raison. Troisième question, oui. Aimeriez-vous travailler dans un parc d'attractions ou fête foraine? On va demander ça à Barba Papa. Ouais, bah moi j'ai travaillé dans un parc d'attractions. Je ne citerai pas le nom parce que pas de pub. Et je vendais. Bah si, parce qu'on fait, on a fait allusion au truc qui se trouve à Troyes. On a fait illusion du parc Astérix. On fait illusion du parc Disneyland. Il y a d'autres parcs. Il y a encore d'autres attractions. Il y en a une du côté de Jean. Non, de Cergy Pontoise. Je crois que je sais plus s'il y a encore Rigo. La mer de sable. Je sais pas. À Cergy Pontoise, du côté de. Ouais, non. Si, si. Mais on s'en fout de celle-là. Blénoland. Ouais. Non, il y en a une autre, là, du côté de. Kistoland. Non, c'est Technoland, monsieur. Non, mais on s'en fout. Technoland. Barba Papa, donc toi. Donc, je t'ai dit, je travaille dans un grand parc d'attractions. Je ne citerai pas le nom de toute façon. Et je vendais des billets en fait des bas des montagnes russes. Bon, alors, Babar Papa, au revoir. Hop, terminé. Pourquoi ? Allez, hop, terminé, ça commence la première saison. Au revoir. Au revoir, Babar Papa. Je suis la première. C'est malheureux. Gérard, sinon, sur IRC, il y a ton pote Perforas, il dit que la nouvelle attraction à Paris, la dernière au top, c'est un resto au Ritz, une course en Mercedes et on finit en boîte. Ouais, bah lui, il commence pas à me casser les bonbons avec l'histoire de Diana, d'accord ? Ah, bah, parce qu'on va pas recommencer une nouvelle saison comme ça, parce que ça se terminera encore mal. Je pense. Petit Nougat. Bah écoute, moi personnellement j'ai pas travaillé là-dedans et puis ça me branche pas trop parce que comme je t'ai dit, à part Mongoliland, il n'y a rien du tout. Mais j'ai une amie qui a travaillé justement à Disney pendant quelques moments à la nouvelle attraction que Manu a parlé tout à l'heure, à savoir où on te fourre et puis tu ressors. Ça existe. Non, ça existe pas. Ça existe pas pour l'heure. C'est sorti au mois de juin et elle a travaillé pendant les vacances là-bas et apparemment il n'y a que les mecs qui y vont parce que les nanas ça les intéresse pas. C'est bizarre parce que moi on y a été avec quelqu'un que je citerai pas son nom parce qu'elle m'a dit de pas dévoiler son nom à l'antenne. Donc je garde l'anonymat de cette personne-là. On y a été et on n'a jamais vu cette histoire-là. Vous arrêtez de parler des gens politiques, sinon je vais vous comme petit Mickey, tu vas virer aussi, tu vas faire comme Barba Papa. J'ai rien dit. En plus, il s'agit de Céline Dion. Alors. Bon alors, monsieur Mazur, au revoir aussi pour vous. Je n'ai rien dit, monsieur Gérard. Ouais, Céline Dion, c'est terminé. Déconne. On arrête un petit peu. Monsieur Gérard. Ouais, bah alors, monsieur Mazur, tu te calmes, d'accord ? Absolument, monsieur Gérard. Bon, Gérard. C'est la dernière fois que je te le dis. Oui, monsieur Gérard. Attends, s'il vous plaît. Sur Minitel, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a vu Sandy parce que au parc Astérix, il y a un show avec un orque. Je ne répondrai pas à la question. J'ai précisé que je ne voulais plus entendre parler de Sandy sur les débats. Allez, parce que ça commence à gonfler. Petit Mickey. Ouais, bah écoute, moi j'ai travaillé au parc des Schtroumpfs. Je sais pas si tu te souviens à l'époque du parc des Schtroumpfs. Parce que avant d'être amoureux de Laetitia Casta, je kiffais la Schtroumpfette. Ouais, mais on en a rien à foutre de Laetitia Casta. J'ai fait le boulot de Schtroumpf beau gosse pendant un été il y a quelques années là-bas. Monsieur Mazur, pour finir. Écoutez, moi les parcs d'attractions, ils travaillaient. Non, je préfère nettement mon emploi de pianiste dans un bar à pute. C'est beaucoup plus. Oui, c'est au niveau des montagnes russes, voyez-vous, c'est. Bon, monsieur Mazur, encore une fois, les montagnes russes, vous faites comme papa, parce que ça commence à me gonfler aussi. Pardonnez-moi, monsieur Gérard, mais je n'ai absolument pas mentionné ce que vous venez de dire. Je n'en ai pas parlé et tout le monde pourra en témoigner. Oui, si. Je témoigne d'ailleurs. Ouais, il a parlé des prostituées russes, Gérard, des prostituées. Absolument, monsieur Gérard. C'est ça. De merveilleuses pipoff pour pas cher. Comment Svetlana, d'ailleurs. Même si elle pouvait être bossue pour les prostituées. Donc, alors, aimeriez-vous travailler de manière maintenant ? C'est vrai que là, la saison va être terminée. À mon avis. De toute manière, ils recherchaient du personnel et je crois qu'ils en recherchent encore pour Disneyland Paris, il me semble. Ils en cherchent constamment durant les années, mais c'est vrai que. Présentez-vous, monsieur Gérard. Pour habiter carrément presque à côté. Alors, ouais, mais je te verrais bien en costume de Mickey faire la parade. Non. De quoi j'ai mal entendu là ? Monsieur Gérard. Oui. Ou en costume de mini lors de la gay parade. Mais ça ils ont déjà leur personnel pour les. Ah. Mais tu sais, ils recrutent sans arrêt, hein. Ouais, non, mais ils ont déjà du personnel qui est qualifié pour, donc ça. Ou alors à Pocahontas, peut-être, je pense. Pocahontas, j'ai pas eu l'occasion d'en voir, justement, là-bas. Ouais, GG, pour approfondir ta question, il faut un diplôme pour travailler comme personnage dans un parc, d'après toi ? Je pense pas. Je sais plus s'il demande quelque chose. Je sais qu'il faut avoir un bon moyen de communication avec les gens. Une bouche quoi. Faut communiquer avec eux. De toute manière, faut déjà parler certaines langues parce que c'est. Il y a beaucoup. Gérard, Attendez. Je réponds quand même à la question. Merci. C'est vrai qu'il y a plusieurs. Il y a pas mal d'étrangers, donc faut savoir quand même parler plusieurs langues. Hein. Oui, mais monsieur Gérard, vous portez, n'est-ce pas, un costume, comment voulez-vous vous exprimer, ne serait-ce qu'auprès des étrangers, dans votre langue étrangère, ils ne vous entendent pas avec votre costume. Non, mais de toute manière, c'est vrai que pour l'instant, ils recrutent du personnel. semaine, mais il demande de savoir parler anglais et puis tout ça. Ouais, non, mais attends, Mickey, il parle qu'une seule langue, il parle pas plusieurs langues. Mais, non, mais ça, c'est différent. C'est pour ceux qui veulent travailler, petit Mickey qu'on pose. Ah, d'accord. D'accord. Okay, j'ai entendu dire que tous les gens qui bossaient en parc d'attractions et qui étaient déguisés étaient sourds et muets. Ouais. Non. Si, moi, j'ai vu ça sur Internet. Si, j'ai vu ça, ouais. Ouais, bah, pour moi encore. J'ai pas eu l'occasion. Ouais, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Oui, Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Arrière-Train Fantôme qui habite à Brest, qui a comme fréquence le 93.3 FM et qui est très content de te retrouver ce soir. Enfin, c'est une fille. Bonsoir. Attends, elle arrive, voilà. Allô. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Je suis très contente de te retrouver ce soir. Quelle fréquence déjà? Bonsoir. 93.3. Bonsoir. Bonsoir. 93. Oh. Bonsoir Monsieur Mazur. On se calme. Bonsoir. Oh ça y est, c'est fini les bonsoirs. Ou sinon vous virez. Bonsoir. C'est une question de politesse. Bah ouais, du ça y est. Alors donc. Bon ça y est, c'est fini. Bon Gérard, pour calmer le débat, il y a Shkoumoun le Forain sur IRC. Il dit que le point commun entre un manège et Gérard, ça tourne en rond pendant des heures sans avancer. Il faut bien s'accrocher au bar. Ça n'a pas le rapport avec le thème, avec les débats. Avec la choucroute. Oui. Donc, Gérard, enfin Rigo, tu peux dire à ton auditeur que Gérard, lui, est gratuit. C'est vrai. Oui. Voilà. Arrière-train, donc, pour toi. Non, Monsieur Mazur et Petit Mickey, vous allez commencer par vous la fermer ou vous allez dégager tous les deux d'un seul coup. D'accord. D'accord, absolument. Alors, en de bon entendeur, on se calme. Tout à fait. Alors pour arrière-train, donc toi, est-ce que t'aimerais alors la question c'est, aimeriez-vous travailler dans un parc d'attractions ou faites pour une... Enfin, Manu, t'arrêtes de rigoler comme un porc ou tu vas te prendre quelque chose dans la gueule. D'accord, tu commences pas ta nouvelle saison. Gérard, si je te permets. Mazur, au revoir, Mickey, au revoir. Oh bah non, j'ai rien dit, monsieur. Terminé. Terminé pour vous deux, au revoir. Non, au revoir. Je n'ai rien dit, j'avais la bouche pleine. Je m'en fous. Allez, au revoir pour ces deux-là. Terminé. Ça va aller, ça va commencer vite, il est déjà minuit et demi, ça commence déjà pas mal. Alors, arrière-train pour toi, aimeriez-vous... Fantôme, s'il te plaît. Ouais, ben, aimeriez-vous travailler dans un parc d'attractions ou fête foraine? Oui, oui, j'aimerais beaucoup. Comme ça, j'aurais plein de tickets gratuits. Bah ça, de manière, déjà, pour commencer, t'as déjà... Ah oui, c'est clair, il y a des beaux mecs hein, dans les parcs d'attractions. Ouais, bah, Moi, non, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même pas mal de trucs. Hein, je parle de tickets. Ouais mais pour les mecs. Mm-hmm. Ouais mais ça c'est pas tout le temps évident. Hein. Donc alors quatrième question, doit-on accepter les enfants de moins de 6 ans plus les femmes enceintes non accompagnées? Ça c'est des conneries à Pildar. Eh Pildar, tu arrêtes parce que tout à l'heure tu as dégagé du bureau. Le bon. Studio Gérard, le studio. Alors je préviens, Fildar, tu vas arrêter, Manu, c'est pareil aussi. D'accord ? Y a pas de problème. Parce que vous n'avez pas commencé la nouvelle saison comme ça tous les deux. D'accord ? Alors doit-on accepter les enfants de moins de 6 ans ? Parce que femme enceinte non accompagnée, ça c'est des conneries à Fildar. Or tes conneries comme ça, là c'est la dernière fois que je te préviens que les débats, c'est moi qui les paie les questions, t'as pas à t'en occuper. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, parce que ça commence à bien faire vos conneries. Déjà, tu commences ton bordel en me téléphonant. Tu t'amuses à dire des conneries, donc tu n'as pas commencé ta nouvelle saison. Et au standard, c'est pareil. Tu as ces deux-là, je t'ai dit de déborder, tu les bords. Ok ? Parce que ça commence à bien faire déjà. Yeah. Non, mais t'as peu... Regarde ! T'as là qui s'amuse à renifler comme des cochons, là. Oh, ça suffit ou quoi, là ? Arrêtez ! Arrêtez de grogner. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont. Ça commence à bien faire hein, maintenant. Alors doit-on accepter les enfants de moins de 6 ans? Petit nougat. Bah écoute, moi j'ai vu des femmes très âgées qui étaient aveugles, sourdes, muettes et qui avaient 80 ans, donc je vois pas pourquoi on n'accepterait pas des enfants de moins de 6 ans. Ouais, mais pour faire les attractions, ça m'étonnerait. Ah bah si. Ah non, parce que j'y ai été... Je te dis, moi, de toute façon, là où je suis, c'est à Mongolieland, donc tu vois tout, hein. Bon, on en a rien à foutre de ça, d'accord? C'est très important pourtant, Gérard. Ouais, ouais. Bah, moi, j'en ai rien à foutre de ce truc, hein. Bah oui, mais c'est un parc d'attractions comme les autres, hein, Gérard. Ouais, mais dans tous les parcs d'attractions, de toute manière, c'est bien précisé. Quand vous faites la... Parce qu'il y a des queues énormes pour faire... Des queues énormes. Oui, il y a des queues énormes pour faire des attractions. C'est bien précisé. Pas queue. C'est bien, c'est bien précisé que tout enfant de moins de 6 ans ou 7 ans non accompagné n'ont pas le droit de monter dans les trucs parce que c'est trop dangereux faut pour mettre, eux. Faut mettre un siège voiture. Ah non, alors, mais ils savent pas si parmi les clients il y a des pédophiles ou pas, il faut faire attention aussi. Donc. Ouais, non mais c'est vrai c'est que ça, non mais il y a c'est vrai qu'il y a eu il y a déjà eu pas mal de problèmes dans des trucs comme ça. J'ai vu ça il y a pas longtemps que lors de la parade là la gay parade qui se fait les après-midi, c'est vrai que ouais, à Disneyland Paris il y a eu un étranger qui s'est fait faucher par ouais par je un... sais à la gay parade de Disney, ouais il y en a tous les jours, ouais, ouais. Non mais là c'est la première fois là. C'est fréquent, tu sais, c'est... Bon, Manu Fildar, arrêtez de grogner. C'est la dernière fois que je vous le dis tous les deux, d'accord? Parce que ça a mal se terminer pour vous deux. Gérard. Ah, vas-y, Fildar. Bon, on accueille deux nouveaux auditeurs, Gérard. Donc, il y a Romano, 27 ans, de Lille. Bonsoir, Romano. Bonsoir. Bonsoir, hola. Romano. Bonsoir. Hola, cabrón. Que tal? Muy bien, et tout. Oh Romano, s'il te plaît, tu te calmes. Oui, Gérard, oui. Bon, oui, tu te calmes, la fréquence de Lille 101.5. Vous êtes la fréquence de Lilia. Et on accueille aussi Star Turk, de 22 ans, de Montpellier, 107.7 FM. Ah, c'est Arkane. Bonsoir, Gérard. D'où, tu m'as dit? De Montpellier. De Montpellier, 107.7 FM. Tout à fait. Salut, Poussin. Bonsoir. Et donc, pour calmer le débat, vite fait, il y a Idiboy19 sur l'IRC. Il demande si tu aimerais créer ton GG Land vu que t'as déjà une grosse roue. Non. Alors, si c'est des conneries. Bon. De quoi? Ouais, vous avez fermé vos gueules là, tous les deux. Le toi, tu vas faire ton boulot correctement et tu vas te. Je sens que Pildar, tu as te manger quelque chose avant la fin du premier débat. Hein. Alors, donc, pour Romano. Ouais. Donc, pour toi. Ouais. Donc, la question, doit-on accepter les enfants de moins de 6 ans dans les parcs d'attractions? Non, dans les parcs d'attractions, je me trompe. Pour faire des attractions. Des attractions. Traduit en espagnol, là, pour nous. Non, je traduis pour... Okay. Por favor, señor. Tu sais que... Ouais. Bon, Fildar, ouais, s'il te plaît. J'écoute la question, oui. Vas-y, ouais. T'essayes qu'il parle correctement, ouais, parce que... Bon, il faut parler aussi, hein. Bon, doit-on accepter les enfants de moins de 6 ans pour faire des attractions ou dans les fêtes foraines aussi? Alors... Tu travailles, c'est ça, là-bas, moi j'ai dit oui. Bon, toi, tu penses que tu laisseras un enfant... Oui, on peut faire travailler des non, enfants... Non, est-ce que les enfants... Oui. Doit-on accepter les enfants de moins de 6 ans pour faire des attractions, pas pour y travailler? Attention, nuance. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, ouais. Pour faire les attractions non travaillées, ouais, d'accord. Les attractions comme si tu te servais d'un aimant, c'est ça? Non, pour faire... Oh là là là là là là là. Ah, il comprend rien, le Manou. Je crois que... Ouais. Fillard, tu lui expliques comment que se passe un débat, s'il te plaît. Startuc. Putain, mais arrêtez, mais merde. Putain, mais... Bon, tu réponds là. Oui, tout à fait, Star Tours, donc moi je pense pas, les 6 ans c'est beaucoup trop jeune pour les faire travailler, il faut attendre au moins 7 ans et demi. Non, c'est pour les pour qu'ils fassent des attractions, je te demande. Mais comment ça, genre la femme tronc, la femme à barbe? Non, par exemple, pour les fêtes foraines, les voitures tamponneuses, tout ça. Oh là là, mais ça commence à bien faire là, celui-là. Hein. Tu remplaces les jetons par des enfants de 6 ans. Attends, non, mais est-ce que les... Oh là là, hey. Oh, tu vas te calmer, toi, parce que sinon tu vas dégager aussi. Je comprends pas le sens de faire l'attraction, si tu veux. Bon, est-ce que... On va rentrer dans le manège, voilà. C'est ça. Voilà, non accompagné des parents. Papa et tout ça. Oh là là, oh là là. Mais entrer dans le manège, pourquoi? Voilà. Mais non, tu sais qu'en dessous de 6 ans, ils sont trop petits, ils passent sous la barre, donc ils peuvent pas aller dans les montagnes russes. Bon, alors, tu vas voir Fildar au standard aussi. Non, toi, c'est vrai, il a raison. Parce que dans Space Mountain... Il y a une taille minimum, tu sais, si les enfants ils sont trop petits, ils peuvent pas passer, ils ont pas le droit de rentrer dans le manège. Ouais, mais de toute manière, c'était... S'ils sont pas accompagnés, les parents, parce que c'est bien précisé, c'est bien mis devant les parcs avant de les faire. Même avec les parents, je crois que c'est interdit. Oui, non, non. Si, il y avait eu l'histoire... Le Space Mountain, c'est interdit. Ouais, mais peut-être là, mais moi, je vais te dire une chose. J'ai fait une attraction où j'avais des enfants. et fais-moi confiance que les enfants, à un moment donné, ils commençaient à pleurer. Hein. Donc, ils étaient déjà accompagnés avec les parents. Oui, donc. Mais Gérard, tu sais, il y a des manèges où tu es harnaché, tu as le harnais en haut. Ah ouais, et si t'es pas assez grand pour être harnais, assez grand, ouais. Tu vois, ça te prend la tête. Et Mimi Mathy, elle va par exemple faire le Space Mountain. Ouais, mais d'accord, mais on s'en fout de Mimi Mathy, d'accord. Bah, non, mais c'est non, parce que c'est vrai qu'il y a le fameux truc, là, le train là, qui passe dans les montagnes, là, pas les montagnes russes, comme tout le monde est en train de nous faire chier avec. Oui. Mais c'est vrai que là, déjà, c'est pris, on est protégé uniquement. Ici, on n'a pas protégé. C'est où là, ici, parce que les auditeurs ils voient. Non, là, c'est à la limite du ventre. Ah d'accord. Non. Sur, non, mais je veux dire, tu parles devant le micro. Ah ouais, d'accord. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez dangereux cette attraction-là, et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'accident dans les attractions encore. Ouais, mais donc on peut dire qu'il y a quand même des manèges en fonction de l'âge. Non, si on veut, dans un sens, non, je pense que non. Hein. Est-ce que tu peux, par exemple, aller à la pêche au canard sans tes parents? Et toi, est-ce que tu peux aller chercher ta pigeon sans l'autorisation de tes parents? Non. Bon, alors, dans ce cas-là, petit nougat. Tu coupes ça sur la DAT, c'est nul. Non, mais voilà l'état de la vanne, quoi. Ouais. Petit nougat. Bon, petit nougat, je pense que tu avais répondu. Oui, j'ai répondu, ça y est. Arrière-train aussi. Fantôme. Tout le monde a répondu. Et Romano, il a quand même compris comment ça se passait, un débat. Mais il est prêt à répéter. Ça y est, Romano. Ça y est, t'as... Tu comprends? Ouais. Bon, ça y est. Oh, et arrière-train, fantôme. Et des enfants, toi, surtout. Comment? Pas de malheur. Arrière-train fantôme et petit nougat, vous taisez parce que j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Justement. Je disais au niveau de l'attraction pour les enfants, si tu prenais un troc à la clé, tu pouvais pas la voir. Non. Mais tu peux préciser le point. Bah oui, c'est tout simplement quand tu prends là-bas. Ouais, puis t'es trop loin. Ouais. D'accord. Justement, quel est le meilleur âge pour visiter un parc d'attractions? Il y a 45% des gens qui répondent qu'il vaut mieux avoir plus de 10 ans, et ça c'est vrai. 31% répondent qu'il est préférable d'être né, donc je vois pas du tout ce que ça veut dire. On trouvera bien une solution à ça. Ça regroupe les femmes enceintes. 20% répondent qu'il vaut mieux ne pas être incontinent. Incontinent, ça veut dire quoi, ça, Fildar, s'il te plaît? Bah, c'est que t'en fous plein ton ben quand tu montes en manège, quoi. Et 12% répondent qu'est-ce que ça peut me foutre? Je suis médecin. Bon, ça... T'es pas médecin, je crois. Non, ouais, je ne suis pas médecin. De toute manière, j'en ai rien à foutre. Aussi. Alors, 5 questions IRC, non? Il y en a énormément. Vu qu'on n'arrête pas de monter, on est déjà 9722. Ouais. Ça va. Donc il n'y a pas ton pote Sad Hill, alors attends parce que ça va très vite. Donc il n'y a pas ton pote Sad Hill. Oh, on se calme. Manu, s'il te plaît, arrête de me couper mon micro sans arrêt parce que j'aime pas ça, d'accord, merci. Il voulait savoir, pas ton pote Sad Hill, si on peut recharger un portable en euros dans un parc d'attractions pour médecins de nuit qui sont en Formule 1 et qui sont pas enceintes de plus de 6 mois. Alors là, je vais te dire une chose, que les histoires de portables, déjà, pour l'instant, c'est interdit dans les parcs d'attractions. Non, c'est pas interdit, non. Mais pour les... Moi, j'y ai été, mais j'ai pas pris le mien parce qu'il y a pas mal de fauches. Non, mais il y a pas mal de fauches, déjà, pour commencer. Dans les poches. Dans les parcs d'attractions, t'as pas vu le monde qu'il y a, toi? Il y a plus de 60 000 personnes qui vont dans des parcs d'attractions. Tiens, Disneyland, durant le mois de juillet, au mois d'août, d'après un sondage qui a été fait, il paraît qu'il y avait plus de 60 000 personnes qui vont. Le même jour. Il y a pas mal d'étrangers, en plus. C'est rien que des étrangers. Hein. Ouais. Sur Minitel, il y a Guillaume qui te pose deux questions. Il demande si tu connais le parc Kistland, à côté de Bordeaux. Non. Il paraît que le symbole c'est une rotule, je sais pas. Tu connais pas? Non, je connais pas. Et il me demande aussi si tu connais l'attraction GG, j'ai agrandi le coton-tige. Lui il ferme sa gueule parce qu'avec ces histoires-là, cette année, je veux pas en entendre parler, sinon ça va mal se terminer. Ok. Alors, quel genre de manège préférez-vous faire? Arrière-train? Fantôme? Ouais, bon, je m'en fous que ça soit fantôme ou pas, je m'en fous. Bah justement, c'est le train fantôme. Ouais, c'est ça. Le train fantôme, c'est ça, le manège que tu préfères? Ouais. Parce que c'est tout noir. Ah bah d'accord. Ah bah, t'as pas trouvé mieux que de me répondre ça? La chenille. Ouais. Ça, c'est... Attends, ça fait peur, la chenille. Ouais. Mais ça dépend aussi. On parlait tout à l'heure du budget, de l'argent qu'il faut pour avoir pour aller dans les manèges. Est-ce que tu peux donner un budget, toi? Quel est le prix aujourd'hui pour faire un manège? Ouais, d'un tour. Attends, on répondra après, on va déjà faire répondre les gens, d'accord? Non mais faut pas tout mélanger. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes, d'accord ? Il te pose énormément cette question sur IRC. Ouais, bah justement, je vais y répondre. Oublie pas. Hein. Petit nougat, mais il me la répétera. Bah moi j'aime bien les miroirs. Ouais. Mais sinon, généralement, j'y vais pour manger, donc... Ah d'accord, donc toi tu fais... Les barbes à papa... Ouais, donc t'as aucune... aucun manège que tu préfères, bien plaisir. Les petits bateaux. Ou alors les, tu sais, les manèges avec les chevaux dessus. Avec les chevaux dessus. Oui, oh ouais, non mais ça c'est. Eh, ça, vu l'âge que t'as, je crois que c'est plus bon pour toi. Hein. Ouais, tu bossais si, Gérard si, dans si. Ces manèges là, non? C'est pas toi qui récupérais le crottin. Mais non, c'est lui qui prend les tickets. Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Non, Star-tuc, là. Star-tuc. Ouais, bon. Bah, écoute, moi, mon manège préféré, c'est la brouette javanaise. C'est quoi, ça, ce truc? Bah, c'est quand la fille, elle met ses pieds là, tu vois, comme ça. Oh non, mais attends, hey. Oh, faut pas confondre le parc d'attractions, les fêtes foraines... Et la boîte à pute en même temps, parce que ça, c'est pas du tout dans le thème du débat, ça, les boîtes à pute. C'est quand même un tour de manège. Non, mais c'est pas le thème du débat. Ah, c'est quand même une attraction. De toute façon, quand tu prends un manège, tu peux t'envoyer en l'air aussi. Hein, ouais, mais ça, c'est... Ok. Romano. Ouais. Toi Moi, mon attraction préférée, enfin, il y en a deux, c'est... Ouais, des barrettes de feuilles. Oh, Star-tuc, s'il te plaît. Oh, on se calme, s'il te plaît. Pas tout en même temps. Ouais. C'est donc je disais, c'est la caravane qui pue et Motus sur France 2. Bon, alors au revoir, Romano, au revoir. Au revoir. Au revoir, Romano. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, il peut venir. Ouais. Oh. Alors, donc, moi, quel genre de... Tu commences à sourire à la gitane, là. Oh, c'est bon, toi, au revoir, lui. Ah, parce que moi, j'arrive, hein. Vas-y, finis le travail. Tu lui dis au revoir, c'est terminé. Donc, quel genre de manège préférez-vous faire, donc, soit dans les parcs d'attractions, dans les fêtes foraines? Et c'est bizarre que personne n'aille... a eu le réflexe de parler du Grand 8 et de la Grande Roue. Ouais. Ah. Ouais. Et pourtant, ça, c'est des attractions que tout le monde aime bien faire, même des trucs tamponneuses. Hein. Et justement, est-ce qu'elles sont chères, ces attractions? Ces attractions-là sont assez chères, parce que déjà, pour faire 10 tours, ça te coûte à peu près 50 balles pour les voitures tamponneuses. Mm-hmm. Pour le Grand 8 et les montagnes russes? Non, et merde, comment on appelle ça? Le Grand 8 et la Grande Roue, je ne sais pas, parce que j'y suis jamais monté dedans. Gérard, à propos des Grands 8, il y a Isidore sur IRC, il demande pourquoi 80% des Grands 8 ne font pas de Grand 8. Ah bah ça, je ne sais pas, faudrait demander ça à un forain qui travaille dans une fête foraine, On peut peut-être essayer d'avoir un forain, Fildar. Bah ouais. Voilà. Fildar, s'il te plaît, t'essayes de nous trouver un forain qui travaille dans une fête foraine, mais un vrai. Pas un forain qui travaille en fête foraine. Pas un cave. Un forain en boucherie, ça t'intéresse? Non, mais pas quelqu'un qui travaille dans une fête foraine que je voudrais avoir. Ok. D'accord. Donc, c'était la question, c'était ce que vous voulez que je réponde, donc c'est bon. Il y a Bobby qui te demande le thème du débat. Oh non mais attends, il est con lui hein. Il vient d'arriver ou quoi lui? Bah je sais pas. Le thème du débat c'est parc d'attraction et fête foraine, Bobby. Montagne russe. Les forains homosexuels. Sixième question. C'est justement peut-on dormir sur place si on veut tout visiter? Donc on va demander à Star-tuc. Ouais bah écoute, comme tu disais tout à l'heure, il y a de la fauche. Donc moi je te dis, si tu plantes ta guitoune et que tu te ramènes avec ton sac de couchage et que tu passes la nuit là-bas, c'est clair, les manouches ils vont te dépouiller et tu vas repartir en calbar. Donc je déconseille à tout le monde d'essayer de camper cette foraine quand même. Non mais d'accord, je suis d'accord avec toi, Star-tuc, mais c'est vrai que là-bas, que tu connais la vie des manouches de l'intérieur, t'as de la famille côté des gitans un petit peu quand même. Très loin. Ma vie privée te regarde pas. Et puis mais je sais pas, t'aurais pu apporter une pierre au débat, c'est pour ça. Non, mais je te dis, ma vie privée te regarde d'accord, pas. Non, mais t'aurais d'accord. pu parler des caravanes quand même. Quoi. Non, mais justement, on va en discuter parce que pour ceux qui travaillent à Disneyland Paris sont logés sur place. Et quand t'as des étrangers qui arrivent, ils viennent. Fildar, c'est bien. J'arrive. Fildar. Il y a quelqu'un qui a coupé. Petit nougat. Non. Petit nougat. Peut-être parti, petit nougat. C'est petit nougat qui est parti, je gère. Vrai, alors, arrière-train fantôme. Oui. Alors, pour toi Pour moi, c'est comme tout à l'heure. Quoi? Bah, la question. Tu passes la nuit ou pas? Non, c'est peut-on dormir sur place si on veut tout visiter? Moi je déconseille en fait, ou alors dors dans ta bagnole quoi, mais dors pas dans la grande roue. C'est interdit, Gégé, on n'a pas le droit de dormir dans les voitures. Hein. Non, normalement c'est strictement interdit. Surtout parce qu'on aborde fête foraine. Non, mais même de manière, les gens s'ils viennent, c'est vrai que pour visiter les fêtes foraines, de toute manière il y a des parkings et c'est vrai que là c'est payant. Les parkings sont payants, mais je crois que c'est 5 ou 10 francs l'entrée. Ah non, non. Toujours moins cher, c'est au moins 50 francs. Pour rentrer dans un parking, moi je vois celui de la fête de Saint-Cloud, c'est marqué gratuit le parking. Il hein. Ah. y a un panneau. Pour les fêtes foraines peut-être, mais pour les parcs d'attractions. Ah, Gérard, j'ai un forain, je le rappelle là. Ah. Ouais. Ouais, ok. Là, je te rappelle. T'as pas de caisse, hein. En espérant que c'est un sûr. Hein. Pour répondre à la question, à ta question, Startuc, donc c'est vrai que ceux qui travaillent à Disneyland Paris, de toute manière, sont logés et nourris sur place. Et en caravane Il y a des caravanes, ouais, t'en as qui viennent avec des caravanes. Y a et des bungalows bohémiens et tout. Non, il y a des. Il y a des. Comment des camping-cars aussi. Ah, bien, bien. Ils sont nourris, logés, donc leur blanchi. Paye. Non, ils sont pas blanchis, justement. Ah. Mais ils sont habillés, c'est déjà pas mal. On va pas les blanchir non plus. Hein. On va pas faire comme ceux qui sont en tôle. On va pas les nourrir, loger, blanchir. Oui. On fait de la princesse. Donc, excusez-moi, donc j'ai le forain que tu cherchais. On a eu de la chance. Il a Cognac. Il s'appelle Maurice Mike. Il a 42 ans. Et la fréquence là-bas, c'est 87.2. Pour Maurice. Bonsoir Maurice Mike. Salut Maurice. Salut. Par contre, il est importable. Ouais, mais c'est pas grave. Maurice Mike. Je voulais demander à Maurice, est-ce qu'il peut nous faire une animation, tu sais, comme s'il était dans son manège et qu'il chauffe la foule, quoi, en fait. Ok, d'accord. C'est quoi comme manège d'abord, Maurice? Excuse-moi de te couper. Startuc. Attends, Gérard, laisse-moi répondre au jeune homme, quoi. C'est pas vraiment un manège, tu vois. C'est une attraction plus, tu vois, où on te file des boules. Ouais. Et puis tu les lances, puis tu détruis des trucs. Ah ouais, d'accord, ah cool. Cool, ah ouais, c'est bien. Tu casses, quoi. C'est un chamboule tout, Gérard, ça, non? Ouais. Alors, en fait, là, justement, je peux lancer un petit appel, là, Gérard, parce que c'est pour le boulot. Bon, un peu emmerdé parce que bon moi c'est-à-dire il faut lancer des boules contre des piles de conserve et je suis en manque de conserve parce que les affaires marchent pas très fort. Alors là pour le moment je suis obligé de mettre en tant que cible ma famille, c'est-à-dire mes trois filles, ma femme et puis le clébard. Alors commence un peu à être bleuté de partout, tu vois. Alors s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'envoyer des conserves vides ou pleines, hein, d'ailleurs faut pas hésiter, je laisse mon adresse standard. Il n'y a pas de problème. C'est la question qu'on posait là tout à l'heure. Pour les combien que ça coûte à peu près pour faire les trucs là dans les fêtes foraines, grosso modo les tarifs. Écoute, tout ça c'est un peu comme partout, je te dirais que ça dépend si c'est fait avec la main ou la bouche, quoi. Bon, mais non, mais par exemple ensemble, je sais pas, moi je suis pas un vrai professionnel, j'y suis allé 2-3 fois. Non, mais là pour faire l'attraction que vous avez. L'attraction moi mon attraction là pour bon, ça, écoute, moi je prends pas cher, pas plus de 150 francs quoi par personne. Combien? 150. Ouais, c'est un peu cher, hein. C'est un peu cher là. 150, attends Gérard, 150, ça c'est le prix que je fais au moins de 6 ans. Mais breakfast? Il y a un breakfast. D'accord, ouais. Au moins de 6 ans. Ouais. Et pour les parents, ça va chercher dans les 400. Ah bah d'accord, ça fait un peu cher, hein. Ah bah attends, t'es gentil, t'as bien vu dans les actualités tous les problèmes qu'on a, faut qu'on vive, hein. Ouais, mais ça c'est sûr, ouais. Ah ouais, qui c'est qui va y mettre l'essence dans la caravane et la remorque et tout ça? C'est pas toi, hein. C'est forain et puis ça roule en Mercedes ou en BMW. Startuc, tu arrêtes s'il te plaît, monsieur Maurice, on se calme, hein, parce que là faut qu'on speed un peu parce qu'on va Non mais ça y est. Soit disant, il faut un gros moteur pour tirer la caravane. Ouais. Ça y est, on a assez tourné là-dessus. Maintenant, on va continuer parce qu'il reste plus que à peine 10 minutes pour continuer. Allez, bon, Gérard, vite fait. Oui, vite. Sur IRC, il y a ton pote Anakin Defun, il te demande si t'es adepte du trou fantôme. Non. Du trou noir. Hein. Non. Excuse-moi Gérard, juste avant sur Minitel, on me dit aussi que t'es quand même le seul à réussir à glisser sur une plaque de verglas aux autotamponneuses. Ouais, mais ça, je sais avec sur quoi qu'il fait allusion, je ne répondrai pas. Moi, on me dit que t'es le seul à tamponner une grosse roue aussi. D'accord. Combien de parcs d'attractions existent-ils en France ou autre Monsieur Maurice Salé. Grosso modo. Quoi, parc, grosso modo, moi je dirais pas plus de 4. Pas plus de 4 gros. Ah mais vraiment grosso. Hein. Ouais, grosso modo, mais plutôt grosso. D'accord. Startuc. Oh là là, j'ai aucune idée. Je sais pas, une fourchette entre 10 et 1000 quoi, à peu près. Non, quand même pas. Ah ouais, si on mélange. Non mais si on mélange les parcs d'attraction et fêtes foraines, ouais, les petites fêtes foraines en province, là machin où il y a trois manèges, tu vois, ça peut faire beaucoup. Non mais je pense que. Il y a des trucs qu'on n'a pas cités, regarde, t'as pas parlé du Futuroscope, tout ça, il y en a plein d'autres, hein, et plein de trucs qu'on a oubliés. Non mais Futuroscope, je crois pas qu'il y a de manèges, c'est un truc à viser. Il y a des montagnes russes. Il y a Vulcania aussi, le truc de Arrière-train fantôme, ça suffit. Petit Nougat, on l'a récupéré. Non, à la place, on a Sucre d'Orge. Qui appelle de Rouen 97.5 FM. Bonsoir, Sucre d'Orge. Sucre d'Orge, bonsoir. Bonsoir. Rouen. Bonsoir. Bon, ça y est. Oh. On va aller vite là parce qu'il reste 10 minutes. Allez. Sucre d'Orge. Combien de parcs d'attractions existent-ils en France ou autre? Allez. Je sais pas, une trentaine. Toi, t'es sur Rouen, donc t'es au courant du Naparc qu'il y a sur les bords de la Seine. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, je sais pas, une trentaine en toute la France. D'accord, je pense pas. Hein. C'est dommage qu'on n'aille pas de sondage sur ça. Il y a quoi comme sondage? Il y en a d'autres, hein, il y en a là. Non, mais avez-vous déjà dormi sur les parcs d'attractions? Ah, si, c'est bien, tu l'as pas fait ça. Ouais. Non, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait en dernier avant la conclusion. Et Arrière-train fantôme pour finir. Oui. Ben moi justement je me suis renseigné et il y en a exactement 1274. Ah bah disons ces chiffres précis hein. Ah bah je peux pas être plus précise. Hein. Ouais bah donc tu comptes tous les. En fait elle est passée au Petit Nougat. Petit Nougat nous a quittés, donc voilà. Combien 8 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vite là. Bon, Fildar, s'il te plaît, ton boulot, c'est de les calmer, d'accord? C'est fait. Merci. Bon, sinon, sur IRC, il y a Fijo qui conseille à tous d'aller à Orphelinland. Oh, bah lui, Fijo, il commence à me casser les cacahuètes, alors qu'il commence pas à me faire chier, lui. Existe-t-il un autre moyen pour rentrer dans les parcs d'attractions que l'argent? On vous demande à... Voilà. Bon, Arrière-train fantôme. Tu rentres sans payer? D'accord, ouais, mais faut que tu connaisses quelqu'un, d'accord? Ouais, ou tu suis l'ouvreur, mais bon. Ou t'essayes de faire de l'œil au caissier. Oh! Oh, mais c'est une vraie salope! Bon, Startuc, au revoir! Startuc, au revoir! Non, mais c'est moi, je suis une vraie salope. Hein. Non, Startuc, tu lui dis au revoir. Non, j'ai viré, mais il y a des moyens, genre si, par exemple, tu sais, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, pour une star, ou des trucs comme ça. Mais ça, de toute manière, il y a déjà eu Michael Jackson qui y a été, tout ça, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Tu peux rentrer dans des costumes aussi. Sucre d'orge. Bah écoute, je sais pas, à moins que tu te déguises en Mickey, enfin ça dépend où tu vas, quoi, tu sais, tu peux te déguiser en fantôme, tu peux toujours trouver le moyen de rentrer. Hein, Moi, Gérard, t'as pas besoin de te déguiser, quoi. Ouais, voilà. Non, mais moi, de manière, la fois qu'on a été à Disneyland Paris, on y est rentré gratuitement. Bah, ça m'étonne. Je vous dirai pas. Dû le prendre pour dingo. Je vous dirai pas par quel moyen qu'on y est rentré, parce que ça vous regarde t'as pas. T'as couché encore, mon salaud. Ça, c'est quelqu'un. Non, mais c'était. S'il vous plaît. Non, mais si, c'est pas ça. C'est une auditrice qui nous a fait rentrer gratuitement. Et qui veut pas que je dévoile son nom à l'antenne. C'est tout. Maurice, pour finir la question. Elle s'appelait Maurice. Maurice. Écoute, moi je dirais que par expérience, hein, moi je vois la seule chance d'entrer gratos, moi mon avis c'est de se déguiser en nain luxembourgeois, je vois pas sinon. D'accord. Bon, c'est un déguisement vachement poussé. Hein. Ça c'est tout. Mais ça peut marcher. D'accord. Alors comment doit-on s'habiller pour aller au parc d'attractions? La tenue vestimentaire, on demande au hasard. Sucre d'orge. Tu peux te déguiser en drag queen, ça marche très bien généralement parce que tu sais, les gens te regardent tout le temps et puis c'est amusant, ça fait attraction aussi pour les autres. D'accord. Gérard, en fait, voulait dire peut-être pour la façon de d'être plus à l'aise, tu vois, pour aller dans un parc d'attractions, parce que c'est pas évident. Laisse-nous dire ce qu'on veut. Bah, à poil. À poil, ça m'étonnerait là. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Sucre d'Orge. Bah non. Mais non, c'est... Alors, arrière-train fantôme, toi? Oui. Alors, pour toi? Oui, moi, je te déconseille les talons aiguilles, Gérard. Non, bah ça, j'en mets pas, donc t'es tout de suite servi. Et puis aussi les faux ongles. D'accord, bah ça, j'en mets pas non plus. Les fossiles, t'as essayé? Non plus. Non, les faux cul. Maurice? Ouais. Bah donc... écoute, l'essentiel, moi, je dirais... C'est de se raser avant. Ouais, déjà d'une. Mmh. Et puis ensuite, de mettre... c'est surtout au niveau du pantalon, tu vois, tu choisis 3-4 tailles au-dessus. Mmh. De manière à ce que l'hiver, tu vois, tu puisses déposer ce que tu as déposé pour que ça te tienne chaud. Mmh. Tu ne perds pas ton temps, tu te fais passer devant dans les putains de files d'attente. Le temps que tu ailles aux toilettes, tu vois, tu reviens, boum, ça y est, t'as encore une heure de trucs à faire. Ouais, ouais. Donc moi je considère. Tu peux mettre des couches. Oh bah non, allez, il connaît rien la petite demoiselle, là, faut pas mettre des couches ma chérie, parce que si tu mets des couches, tu sens rien, et puis c'est, tu vois, le bonheur de la vie, le bonheur de l'acte, c'est de sentir ce genre de choses. D'accord. Je vais faire les deux sondages là qu'on n'a pas fait, puis après on posera la dernière question, puis on fera la conclusion du débat. Donc avez-vous déjà dormi dans un parc d'attractions? Il y a 75% des gens pensent que c'est interdit. Je ne pense pas, parce que de toute manière, si tu veux tout visiter, tu es obligé de dormir sur place, mais dans une caravane, mais pas dans une toile de tente, parce qu'il n'y a pas d'herbe là-bas. J'en ai pas vu à Disneyland Paris, dans d'autres parcs d'attractions peut-être. Je pense que ce sucre d'orge du côté de Rouen, il y a des terrains où on peut planter des tentes, toi, là-bas. Du côté de Rouen. Sucre d'orge, s'il te plaît. Il est mort de Rouen. Sucre d'orge. Oui, tu peux me reposer la question, s'il te plaît. Je te demandais si à Luna Park, quand les gens y vont, est-ce qu'il y a un coin pour planter une toile de tente? Voilà la question. J'attends la réponse. Non, tu peux... je sais pas. Tu ne connais pas. Planter une tente, non, peut-être pas, mais... Il y a des hôtels, non? Ouais, tu peux planter ton hôtel. Ah d'accord, planter un hôtel, t'as raison toi. Je crois que, à mon avis, t'habites à Rouen, mais t'es pas au courant de s'il y a des coins pour que les gens, quand ils viennent, s'ils peuvent installer une caravane ou autre. Bah non, mais t'as le parking, donc tu peux faire ce que tu veux dans le parking. Ouais d'accord, dans un parking sans herbe, tu peux planter une tente toi. T'es vachement balèze, hein. Oui, je sais, on l'a toujours dit. Ah ouais, ben 29% des gens que le bas, il n'y a pas de... Il n'y a que des hôtels pour putain. Alors ça, je vois pas du tout le rapport avec le truc. 5% pensent que les animaux sont interdits. Donc, les animaux sont interdits, ça c'est vrai. Et donc que ma femme, il n'ira jamais, ça, c'est faux. Donc, alors, pour ces sondages de merde, c'est pas la peine. Merci, Hugo. Dernier. Mais pas toujours tout sur la potarigo, parce que toi tu y en es pour quelque chose. C'est mes sondages, ça, quand même. Parce que si je mets les 23%, fais-moi confiance que là j'ai des emmerdements, et ça sera par ta faute si ça arrivera. Donc tu vois, celui-là je le ferai pas. Et donc dernier sondage pour la tenue vestimentaire. Donc quelle est la tenue vestimentaire la plus appropriée pour visiter un parc? Justement, on en parlait là. 60% répondent qu'un costume et une cravate suffisent. Non, parce que ça est... Vu le temps que tu passes, costume, cravate, c'est... Mais pourquoi ça va pas, ça? Bah attends... très bien. Ouais, mais attends, le mec, tu crois pas qu'il va faire des attractions en costume, cravate? Non, mais attends... Mais il y en a qui viennent après le boulot, hein. Ouais, mais d'accord, mais... ouais, mais ils ferment à quelle heure, les parcs d'attractions? Bah, ils ferment pas si tu dors là-bas. Si, il y en a qui ferment, quand même. 40... Ou alors, un pigeon. Oh, si c'est un sucre d'orge. Oui. Si t'as du monde derrière, t'arrêtes de parler avec eux, parce qu'on entend tout ce que tu dis, d'accord? Oh bon, d'accord. Alors, je crois que... Mais il n'y a personne avec moi. Ouais, non, mais... Alors, 45% répondent des vieilles tongs et un t-shirt qui pue, ça, non? Des vieilles en tongs, c'est possible. En pyjama, s'ils dorment là-bas. Ouais, mais même, ça peut... Tout est bon. 36% pensent que des déguisements de Pluto est le mieux, ça c'est vrai. Il y a des chapeaux qui repensent, qui sont faits en forme de Pluto et d'autres. Et 18% pensent que non, et c'est tout, ben c'est pas mal, et voilà. Gérard, pour la dernière question et pour la conclusion, on accueille Capitaine Kurde de Nice, Centrope entre FM. Capitaine Kurde? Oui, bonsoir, c'est le Capitaine Kurde à la part. Ouais, la fréquence Kurde. De Nice. Bonsoir, Capitaine Kurde. Bonsoir, Capitaine Kurde. 3.3, bonsoir. Salut à tous. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Oh, ça y est. Bonsoir. Sucre d'orge, arrière-train, fantôme, on se calme. Bon, sucre d'orge, encore une fois, et tu dégages. Alors, donc, dernière question. Les vite fait, Gérard, excuse-moi de t'interrompre, mais il y a Alligator qui a une question importante. Il voulait savoir s'il pouvait faire un barbecue à Space Mountain. Les barbecues sont interdits. Donc, barbecue à Space Mountain, Out. Non. Out. C'est grillade, interdit. Grillade, merguez, saucisse. C'est interdit. Donc, la dernière question. Les gitans ont-ils le droit d'ouvrir des parcs d'attractions? On va demander à Monsieur Maurice. Ouais, évidemment qu'ils ont droit à temps. Ouais. Ça, c'est une question à Fildar. Hein, c'est faux. Faut, ça, j'étais avec Fildar, c'est une question à toi, c'est toi qui as dit. Non, c'est Fildar. Bon, on va répondre maintenant, c'est pas grave. Maurice. Je te ferai juste remarquer que les gitans ont complètement le droit, bien entendu. Ouais, parce que c'est votre gagne-pain. Ouais, et la preuve. Sucre d'orge et Warrior Train Fantôme, s'il vous plaît, vous vous calmez toutes les deux. Merci. Maurice, alors, pour finir. Ouais, alors, je te disais, la preuve. Il y a EGP King, ils en ont ouvert un en Camargue, là, pas loin. Ah, d'accord, ok. Capitaine machin, là ? Captain Cure, tout à fait. Je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller au Sainte-Marie de la Mer, à Bombolé, ou Hollande, là, ou je sais pas quoi. Là. Quoi, EGP King dont il parlait, c'est au Sainte-Marie de la Mer. D'accord. Absolument. Bombolé, Hollande. Voilà. Sucre d'orge. Merci. Arrière-train fantôme, pour finir. Arrière-train fantôme. Arrière-train fantôme. Arrière-train fantôme, tu réponds ou tu t'en vas? Oui, Gérard. Alors tu réponds à la question, tu t'en vas tout de suite si tu recommences à chanter. Comme ça, il n'y aura pas de conclusion. Je ne chantais pas, moi j'attendais qu'ils arrêtent de chanter. Bon alors, maintenant tu réponds. Oui, bah, ça m'a perturbé l'esprit, je ne sais plus la question, Gérard. Les gitans ont-ils le droit d'ouvrir des parcs d'attractions? C'est la dernière question et après on fait la conclusion et on commencera par toi, ça ira plus vite. Oui. Bon alors, Oui, ah bah d'accord, alors c'est bien. Regarde, Esmeralda, elle a bien fait notre... Non mais moi je pense qu'ils ont le droit, parce qu'en fin de compte c'est quand même leur gagne-pain quand même pour eux aussi, donc je pense que tout le monde a droit d'ouvrir des parcs d'attractions. Hein. Alors, peut-être des... Bah, on fera les conclusions tout à l'heure en fait. Alors, je voulais juste dire qu'on a dépassé les 10 000 tout à l'heure. Oh non. Si, si, et on est redescendu, mais ça va remonter. Bon, ok. Alors, arrière-train fantôme, donc toi, la conclusion du premier débat de la rentrée. Bah, conclusion, ça fait vachement du bien et je suis déçu que tu sois toujours aussi con. Alors, arrière-train fantôme, je vais te dire une chose, que moi, je suis content que les auditeurs qui nous écoutent, qu'il n'y a pas longtemps, qui sont sur Fun, soient sympas. Alors pour les auditeurs qui sont là depuis peu, Gérard est con. Eh ben, toi, t'es une petite conne, au revoir pour toi. Gérard. Voilà, comme ça ira plus vite. Sucre d'orge. Non, elle est partie. Elle est partie. Ah bah, comme ça... Elle a rien répondu. Capitaine Kurde, bah, ouais. Écoute, très très bon débat, moi je l'ai trouvé excellent. Je suis étonné que tu n'aies pas plus parlé la foire du trône, parce que les GOG, bah, ça te connaît quand même. Ah bah, de toute manière, on a fait allusion quand même à pas mal de fêtes foraines. Et c'est vrai que la foire du trône, elle est après la fête de Saint-Cloud, je crois. Je sais pas. Si, il me semble, Manu, non? Oh bah moi, bien sûr. Oui, Manu, non, mais... Bah, non, mais si. Si, je suis d'accord. Rigaud, non, parce que c'est du côté de du côté de Vincennes là-bas. Mm-hmm. Et toi, non, bah toi, c'est pas ton quartier là-bas, toi. C'est pas dans le quartier 9-4, donc toi, tu connais pas. Toi, c'est le quartier 10 où t'as ton espèce de parc d'attractions. Les débats. C'est vrai, Gégé, qu'ils vont installer un aqua boulevard à Suresnes, dû à la consommation d'eau qui augmente chaque année. Je n'en sais rien. À l'eau qui reste et qui ne sert pas. Et Maurice, pour la dernière conclusion. Attends, Gégé, je voulais dire que j'étais pas du tout d'accord avec l'auditrice d'avant qui disait que t'étais toujours aussi con, t'es quand même vachement plus con que l'année dernière quand même. Ouais, bah moi je te... Allez, bonne soirée à toi. Hein. Ok, salut connard. Voilà. Maurice, pour terminer. Bon, écoute, moi j'y... Bah, c'est vrai, on t'a pris en cours de débat, mais tu nous excuseras. Bah, c'est pas grave. Bon, écoute, moi je dirais vraiment, ça... Je crois que les vacances t'ont fait vraiment du bien, t'es revenu en pleine forme. Mmh. Bon voilà, tu fais une bonne rentrée. Maintenant on sait pas dans qui tu vas la rentrer, mais... Non, mais qui voit, hein. Ouais, d'accord. Non mais c'est vrai Bah, j'ai un mystère, quoi. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai que... Bon, c'est vrai que là, le premier débat, on a quand même eu des petits problèmes avec certains auditeurs et puis auditrices qui ont voulu... trop se la jouer, mais je pense qu'ils vont se calmer pour le deuxième. Parce que sinon, Manu, il va trinquer pour Fildar. Ça va pas être pareil. C'est bien, ça, c'est bien. Ça va être lui le responsable. C'est lui le responsable du deuxième débat. Moi, je pense que le premier débat, ça s'est pas trop mal passé. Ah, j'ai quand même quelques conclusions de l'IRC, hein, ouais. Vite fait. Donc, oulala, ça défile un peu trop vite, mais on va retrouver. Il y avait Davy One qui vient d'arriver à l'instant et parce qu'il pensait pas que il pensait que les TDBA avaient été remplacés par un documentaire animalier et après réflexion il se rend compte que ça revient au même, donc il est assez content. Et en big up à Turpentine, tout le monde considère que ton débat avait ni queue ni tête comme toi. Oh bah ça elle va pas commencer sa saison à m'emmerder comme ça parce que sinon ça va coûter cher à celle-là. Des questions sur des conclusions sur une Minitel, non? Non, il t'emmerde. Ah bah moi aussi je les emmerde sur le Minitel. Arrêtez d'être vulgaire, moi j'ai beaucoup de gens qui. Et on est combien sur le Minitel quand même parce 128. Que... Ouais bah tu pourrais quand même l'annoncer de temps en temps. Hein. Non c'est pas assez. Ouais non mais tu 128 pourrais... je l'annonce pas. Ouais non mais tu peux quand même annoncer le nombre d'auditeurs parce que là sur l'IRC on a fait quand même 9722, monsieur Manu. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que le deuxième débat va porter sur l'éclipse. Et là, on va faire une pause musicale, ça s'appelle. Musicale, et on va commencer par la carabine à morpion avec Chamboule tout sur mes dents de devant. Et le deuxième, c'est le petit Mickey avec Viens me faire des montagnes russes sur mes kystes. Et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième débat sur l'éclipse.